la fin du mois de mai 1958, après Alger, la Corse se soulève et les paras prennent le pouvoir. Les premiers journalistes arrivés demandent au député Arrighi, un des acteurs de la rébellion, « Y a-t-il eu des morts ?» Et le parlementaire de répondre avec le sourire, « Eh non, c'était la révolution, ce n'était pas les élections. » Authentique ou pas, ce bon mot, je ne saurais vous le dire, même s'il a été cité par de nombreux auteurs. Mais il est vrai que, par bien des côtés, l'insurrection de la Corse en ce mois de mai 58 a quelque chose de théâtral. Et pour tout dire, un aspect comique, même si certains des protagonistes, je pense aux républicains qui s'opposaient aux factieux, surent faire preuve d'un courage certain. En tout cas, il reste que cette révolution d'opérette a eu une importance capitale dans le déroulement de la crise de mai 58. À eux seuls, quelques dizaines de paras et une poignée de politiciens ont précipité les événements et accéléré l'arrivée au pouvoir du général de Gaulle. Mais, et c'est pourquoi M. X a choisi de me parler de cette affaire, la réalité est beaucoup plus compliquée qu'il n'y paraît. Et ce soulèvement corse est peut-être le fruit du 14e des 13 complots du 13 mai, pour reprendre le titre du célèbre ouvrage de Méry et Serge Bromberger. Vous connaissez maintenant la prudence et la discrétion de mon interlocuteur lorsqu'il s'agit de parler de lui-même. Toutefois, au cours de ce nouvel entretien, j'ai cru comprendre qu'il avait suivi de très près ces événements. Peut-être même y a-t-il joué un rôle. Mais avant de l'écouter, reprenons rapidement la chronologie des faits. En février 1958, l'armée met le gouvernement de Félix Gaillard devant le fait accompli en prenant l'initiative d'un bombardement meurtrier en Tunisie. Avril, le président du Conseil est mis en minorité. Bidault, puis Pleven sont pressentis, mais renoncent. À Alger, on s'agite beaucoup dans les milieux activistes, mais aussi au sein de l'armée, dont les officiers ne veulent pas connaître un nouveau Dien Bien Phu, fut-il diplomatique. Le 9 mai, Pierre Fimelin est appelé à former le gouvernement. Le même jour, le FLN annonce que 3 soldats français faits prisonniers ont été exécutés. Vive émotion à Alger et à Paris. Le 13, Fimelin est investi par les députés, mais au même moment, on manifeste à Alger, au nom de l'Algérie française et contre le nouveau président du Conseil, qu'on accuse de vouloir négocier avec les Fellaghas. Le gouvernement général est envahi par la foule. Un comité de salut public est créé. Il est présidé par le général Massu. Un appel au général de Gaulle est lancé. À Paris, le président de la République, René Coty, demande à l'armée d'obéir aux lois de la République. Mais les événements s'accélèrent. Le 15, tandis que le général de Gaulle se déclare prêt à assumer les pouvoirs de la République, à Alger, le général Salan fait acclamer le nom du retraité de Colombey les deux églises. Paris décrète l'état d'urgence. On parle maintenant ouvertement de la possibilité d'une intervention des paras en métropole. Le 19, une nouvelle fois, au cours d'une retentissante conférence de presse, le général de Gaulle déclare qu'il est prêt à assumer le pouvoir s'il en reçoit la délégation selon une procédure exceptionnelle. Mais la 4e République fait de la résistance. Le lendemain, l'Assemblée nationale renouvelle au gouvernement les pouvoirs spéciaux en Algérie. La situation semble momentanément bloqué, c'est alors qu'intervient l'affaire Corse. Patrick Penaud, rendez-vous avec X. La 4e République n'a cessé d'être sous surveillance. Que voulez-vous dire, là ? Bien, pour un certain nombre d'hommes, ce régime était illégitime depuis que De Gaulle avait quitté le pouvoir. Et il convenait de refermer au plus vite la parenthèse. Ouais, c'est-à-dire de permettre au général de revenir. Tout à fait. Mais je vais vous dire, certains de ces hommes ne partageaient pas vraiment les mêmes idées. Les plus radicaux, les plus extrémistes envisageaient sans aucun scrupule le recours à la force. Un putsch. Oui. D'autres préféraient respecter les formes légales ou à tout le moins se servir d'événements fomentés par d'autres. Mais tous n'avaient qu'une idée en tête, il fallait en finir avec la 4e. Je vous en ai souvent parlé, mais toute la brève histoire de la 4e République est jonchée de complots. Oui, mais De Gaulle, lui. En 1958, c'est le chat qui attend la souris, il fait le gros dos dans sa propriété de Colombey. Officiellement, il termine le 3e tome de ses mémoires, mais en réalité, il se tient étroitement informé. Ses collaborateurs les plus fidèles ne cessent d'aller et venir, et depuis quelque temps, le général commence à y croire. Mais je vous le promets, nous en reparlerons tout à l'heure. Oui, d'accord. Alors, la Corse. L'intérêt de la Corse est d'abord symbolique. Expliquez. La Corse a d'abord été le premier département français libéré par les forces de la France libre en 1943. et avec la contribution décisive de ses habitants. Et ensuite hein? La Corse est une sorte de porte-avions, un porte-avions très proche du continent. Un porte-avions qui pourrait donc servir comme, par exemple, comme base d'envol pour des paras? Oui, même si c'est complètement bidon. Les paras d'Alger n'ont pas besoin de faire escale en Corse avant de sauter sur la métropole. Mais cette proximité peut frapper les esprits. Et puis surtout, c'est un département qui ne fait pas partie de l'Afrique du Nord. À Paris et sur le continent, on peut comprendre que les pieds noirs se révoltent pour défendre la terre où ils sont nés. Mmh. Mais si la Corse se soulève à son tour, cela signifie que c'est le régime lui-même qui est mis en cause. Mis en cause et rejeté. Ouais. Donc la Corse, c'est pour les comploteurs de mai 58 un objectif prioritaire? Oui, c'est très malin. Et je vous assure que dans cette histoire, rien n'est spontané. Même si ensuite, on a essayé de faire croire le contraire. Mmh. Alors, comment ça commence? Le 14 mai, 24 heures après Alger, un comité de salut public est constitué à Ajaccio. Et qui en sont les instigateurs? Je vous ne donnerai qu'un nom, mais il compte. Il s'agit d'Henri Maillot, un gaulliste, compagnon de la Libération et petit cousin du général de Gaulle. Vous voulez dire... Je ne dis rien, je constate. Non. Et autour de lui? Des notables corses, dont l'ancien député maire d'Ajaccio. Et que fait alors en Corse? Que fait ce comité de salut public? Pour paraphraser le général de Gaulle, je dirais qu'il le gesticule. Donc il ne s'est pas installé aux commandes comme son homologue algérois? Pas du tout, j'ajoute qu'il existe un autre comité de salut public à Bastia. Et celui-là est dirigé par un certain Mattei. Un ancien Indochine. Alors, gesticulation. Hein, mais rapidement, les choses vont changer. Le 24 mai, au petit matin, on est un samedi, et c'est le premier jour d'un très long week-end de Pentecôte. Un Dakota se pose sur l'aérodrome de Calvi. Et l'avion vient d'où? Il est parti d'Alger. C'est un avion militaire, il n'a donc pu partir qu'avec l'aval de ceux qui se sont substitués aux autorités légales. Ouais, c'est-à-dire les militaires et le comité de salut public. Absolument. Et qui se trouve à bord de cet avion? Ils sont cinq passagers. Un député corse, Arrighi, un commissaire de police, Renucci, un fonctionnaire algérois, Paldacci, un civil, Belgoder. Tous corses ou d'origine corse? Oui, ouais. Mais c'est la qualité du cinquième qui est très intéressante. Il est capitaine. Il s'appelle Bauer et c'est un officier du 11e choc. Attendez, le 11e choc, c'est bien l'unité où se recrutent les hommes du service action du SDEC. Mais exactement, ce sont des paras, des hommes très bien entraînés et qui peuvent être engagés dans n'importe quel coup de main, clandestin ou pas. Alors ça veut dire que le SDEC est dans le coup? N'allez pas trop vite. J'ai simplement attiré votre attention sur un point très important. D'autant que les passagers du Dakota sont attendus et que c'est un officier du premier choc basé à Calvi, le capitaine Mantei, qui les accueille. Dans les premiers chocs, 11e choc, quels sont les liens entre le premier et le 11e choc? Ce sont deux unités qui font partie du même bataillon. D'ailleurs, avant Mantei, c'est Bauer qui commandait le demi-bataillon basé à Calvi. Donc les deux hommes se connaissent donc très bien. Effectivement. Mmh. Et là, que viennent faire ces cinq hommes en Corse, là? Apporter la dernière touche au soulèvement prévu dans la journée même. Et surtout assurer les insurgés qu'ils vont agir en plein accord avec le général Salan. Quel est le plan prévu? Les paras du capitaine Mantei doivent se diriger vers Ajaccio. Ils vont y arriver au moment où une manifestation initiée par le comité de salut public envahira les rues de la ville. Le reste sera un jeu d'enfant. Les paras s'empareront sans coup férir de la préfecture et le comité de salut public s'y installera et exercera le pouvoir à la place du préfet. Et si ce préfet résiste? On le placera en résidence surveillée, oui. Naturellement. Il est aussi prévu la même opération à la sous-préfecture de Bastia et à celle de Corte et Sartène. Mmh. En Corse, il y a quand même des forces de police, des gendarmes, d'autres militaires. C'est juste, mais très rapidement, tout le monde va s'incliner et se rallier aux insurgés. C'est dire que l'état d'esprit des forces de sécurité, des officiers en tout cas, était largement influencé par les gaullistes et les rebelles d'Alger. Psychologiquement, l'affaire avait été bien préparée. Cela faisait des semaines qu'on s'orinait. Il faut en finir avec le régime, c'est De Gaulle qu'il nous faut. Enfin, la méthode Coué, ça marche. Mmh. Et le gouvernement? Il savait, grâce au RG en particulier, que quelque chose se préparait en Corse. Mais il était loin de se douter que l'affaire prendrait une telle ampleur. D'ailleurs, d'après les autorités militaires, les paras du capitaine Mantei étaient en principe en train de crapahuter dans le désert des Agriates, alors qu'en réalité, ils étaient déjà en route vers Ajaccio. Et quand enfin le ministre de l'Intérieur, Jules Moc, prend la mesure de l'événement, il est trop tard. C'est-à-dire? Et il a beau envoyer par avion des CRS à Ajaccio, mais ceux-ci n'ont nullement l'intention de s'opposer aux paras lorsqu'ils apprennent que les hommes de Mantei approchent. C'est une reddition pure et simple. Rien ne peut plus empêcher les insurgés de triompher. D'autant qu'une très habile manœuvre d'intoxication a été mise en place à Ajaccio. Les célèbres journalistes Méry et Serge Bromberger ont livré, dès le début de l'année 1959, un ouvrage très détaillé sur les événements de 58, les 13 complots du 13 mai. Ils font un récit pittoresque de l'affaire Corse. J'en extrais ces quelques lignes qui complètent le récit de M. X. Roulant vers Ajaccio, les paras sont survolés par un briquet de pont. Ils vont se faire battre de vitesse par les CRS. Si ceux-ci Arrivent les premiers à la préfecture, le soulèvement est dans l'eau. Montei ordonne au convoi de gagner la citadelle et ils foncent en jeep vers Campo del Oro, suivi de la mission d'Alger. Les CRS sont en train d'embarquer leur matériel dans des autocars envoyés par le préfet quand Montei rejoint leur commandant. Ils sont moins d'une centaine. Vous êtes venus nous tirer dessus, demande le capitaine de para. Certainement pas, vous êtes arrivés les premiers et vous êtes les plus forts d'ailleurs. Nous n'avons pas d'instructions précises, nous collaborons avec vous au maintien de l'ordre. Sur la place du Diamant, la foule grossit de minute en minute. Les gendarmes tendent en travers de la rue un barrage symbolique. Chacun s'interroge. Mais où sont les paras? Ils vont arriver, ils arrivent, crie Maillot. Dès qu'on les voit, on fonce. Ils sont derrière moi, annonce un automobiliste. À 18h15, les bérets rouges pointent au fond de la rue. En avant, hurle Maillot. Les manifestants se précipitent, les gendarmes n'ont que le temps de s'écarter. Vive de Gaulle, monsieur, dit le colonel de gendarmerie à la porte du préfet. Maillot passe la porte, monsieur Savreux, très pâle, est assis derrière son bureau empire. Le cousin du général saute sur la table dans un mouvement d'exaltation extraordinaire. Monsieur le préfet, votre rôle est terminé, retirez-vous dans vos appartements. Mais monsieur X parlait aussi d'intoxication. De quoi s'agit-il ? À Ajaccio, l'opération se passe comme prévu, sans qu'un coup de feu soit tiré, sans qu'un seul véritable acte de résistance soit noté. C'est donc un indéniable succès pour les instigateurs de la prise de pouvoir. Mais ce n'est pas ce qui compte. Hein. Alors quoi alors ? Dans cette affaire, tout est question de psychologie. Et ce qu'on attend de la prise de la préfecture d'Ajaccio, c'est qu'elle porte un terrible coup au moral des gens de Paris. Les gens de Paris, c'est-à-dire le gouvernement, vous voulez dire ? Il faut les impressionner, il faut leur montrer que c'est tout un département qui se soulève et manifeste sa solidarité avec les mutins d'Alger. Il faut que la ferveur populaire soit totale. En tout cas, il faut que Paris le croit. Ah non, ça veut dire que c'est peut-être pas tout à fait le cas, alors. Bien sûr que non. D'accord, bon, la préfecture est tombée, d'accord. Quelques dizaines de paras ont réussi à s'assurer de la ville, mais devant la préfecture et sur la place des Diamants, la foule est vraiment maigrichante. Ouais, combien Bon, les observateurs impartiaux l'ont chiffré à 2000 et encore. Parmi ces 2000 personnes, il y avait certainement pas mal de badauds. Ouais. Alors, le problème, c'est comment transformer ce rassemblement modeste en manifestation de ferveur populaire. Bah, grâce à la radio, monsieur Pénaud. Ah, grâce à la puissance de la radio. À Alger, on a tout préparé à l'avance. C'est-à-dire un reportage truqué? Oui, c'est à peu près ça. Avant le départ des 5 vers la Corse, les gaullistes ont enregistré une fausse manifestation devant la préfecture d'Ajaccio avec le discours du député Arrigui et clameur de la foule. Une foule considérable, si l'on en jugeait par les cris et les applaudissements. C'est donc cette bande bidonnée qui a été diffusée? Oui, oui, sur la radio d'Alger. Une antenne de la radio nationale. Bien sûr. Mais après le 13 mai, les émetteurs avaient été tournés vers la métropole et la bande truquée a été reçue en métropole comme si elle était émise en direct depuis Ajaccio. Vous comprenez maintenant pourquoi je vous parlais d'intoxication? Ah oui, non, je comprends mieux, mais est-ce que cette intoxication a obtenu les résultats espérés? Ah, totalement. À Paris, c'est l'accablement. On est littéralement sonné. Ouais. Ajaccio est tombé, donc. Hein. C'est ce qu'on pense à Paris, mais et les autres villes corses, alors? À Corte, la sous-préfecture tombe comme une pomme bien mûre et elle est occupée sans difficulté. La sous-préfète sort les petits fours, ouvre les bouteilles, on est entre gens de bonne compagnie. Par contre, à Bastia, c'est une autre musique. Bastia, hein. qui a toujours eu la réputation d'une ville de gauche. Oui, hein. Et là-bas, il y a un petit bonhomme qui ne s'en laisse pas compter. Qui est-ce? Un avocat, ancien résistant et premier adjoint de la mairie, Sébastien de Casalta. Socialiste, il est viscéralement hostile aux putschistes d'Alger. Et quand il apprend ce qu'il se passe à Ajaccio, il décide aussitôt d'organiser la résistance. Mais vous dites qu'il est premier adjoint et le maire, alors où il se trouve? Ben, il est député, il se trouve à Paris, où l'Assemblée nationale siège sans désemparer. Casalta sait donc que les paravents arrivent. Il alerte le sous-préfet, le commandant de la gendarmerie et celui de la garnison locale. Et comment réagissent ces militaires, hein? Mollement, c'est le moins qu'on puisse dire. En fait, Casalta comprend très vite que personne n'est vraiment résolu à s'opposer aux paras. La preuve, c'est que dans la soirée, il suffit de l'irruption de quelques jeunes gens armés de mitraillettes sans chargeur pour que le sous-préfet fasse sa soumission. Quant au commandant de la gendarmerie, il ne voit rien, il n'entend rien. Et les militaires? Ils n'ont aucune envie d'en découdre avec d'autres militaires et malgré les ordres de Paris, ils ne bougeront pas. Alors que fait ce Sébastien de Casalta? Ben, il décide de s'enfermer dans la mairie sous la protection de quelques militants socialistes et puis il téléphone à Paris. Au ministère de l'Intérieur? Bien sûr. Ouais. Et que lui dit-on là-bas? Prenez le maquis. Tout simplement. Ouais. Mais Casalta est réaliste, on ne prend pas le maquis comme ça sur un simple coup de pouce. Il faut préparer, organiser, trouver des armes et l'avocat sait très bien qu'il n'en a pas le temps. Il reste donc enfermé dans la mairie avec quelques autres conseillers municipaux. Il attend de pied ferme les paras. Courageux, hein? Très courageux, assurément. Et les paras finissent par arriver? Oui, au début de la nuit. Et le député Arrigui les accompagne. Et après être passé par la sous-préfecture où s'est installé le comité de salut public, il se rend à la mairie en compagnie du sous-préfet. Ah, le sous-préfet, ben, ça veut dire qu'il a pris fait et cause pour les activistes. En tout cas, ça y ressemble, mais tout ce beau monde trouve porte close. Ah, à l'intérieur, Casalta refuse d'ouvrir. Et il n'accepte de discuter qu'avec Arrighi, à qui il dit fermement sa façon de penser. Et les choses en restent là pour la nuit. J'interromps un instant le récit de M. X pour me reporter de nouveau au livre de Méry et Serge Bomberger, car les deux journalistes donnent une version savoureuse de la scène et du dialogue entre Casalta et Arrighi, je les cite. Un cortège part de la sous-préfecture vers l'hôtel de ville, appuyé par les paras. Il se heurte à porte close. On ne peut pas donner l'assaut la nuit, dit quelqu'un, on va réveiller tout le monde. Finalement, Pascal Arrighi et le sous-préfet parviennent à se faire admettre. Monsieur de Casalta refuse de leur serrer la main. « J'ai un ordre de mission du général Salan, dit le député d'Ajaccio. Mission en Corse, lit Casalta, et où est écrit « Prendre les préfectures et les mairies d'assaut ». D'ailleurs, Salan ne représente rien ici. On se sépare sans s'être entendu, mais chacun va se coucher. La révolution à Bastia est reportée à plus tard. Mais est-ce que Casalta va pouvoir résister longtemps ? À l'évidence, non. Mais le premier adjoint est un homme d'honneur et il ne se rendra pas facilement. Ouais. Attendez, avant de poursuivre le récit des événements de Corse et de Bastia, c'est passionnant, dites-moi ce qui se passe à Paris, là, parce que le gouvernement de Fimelin ne peut quand même pas rester sans réagir. D'autant que le ministre de l'Intérieur, Jules Mock, est un homme à point. Ouais, ça, en tout cas, sa réputation. Hein. Alors Mock envisage carrément un plan visant à reconquérir la Corse. Reconquérir, une reconquête militaire. Tout à fait. En liaison avec le ministre de la Défense, il met sur pied une expédition maritime permettant de débarquer sur l'île plusieurs centaines de CRS et de gendarmes. D'autre part, il nomme un nouveau préfet qui accompagnera les forces de l'ordre. Mock est donc prêt à assumer la responsabilité d'un affrontement avec les paras. Oui, et il a raison. Après tout, les paras du capitaine Nantéine ne sont pas très nombreux. Même s'ils sont aguerris, ils ne pourront pas s'opposer durablement au débarquement d'une force aussi importante. Mais Jules Mock n'a pas compté avec une donnée importante. Quoi ? Le découragement, la lassitude, l'opération psychologique des gaullistes d'Alger. L'intoxication. L'intoxication, oui. Elle a produit donc tous ses effets. Et le dimanche soir, lorsque le ministre de l'Intérieur présente son plan en Conseil des ministres et affirme qu'il peut être mis en œuvre dans les deux heures qui suivent, il n'est pas suivi par ses collègues. Qui refusent l'épreuve de force. Oui, il est clair qu'ils se sont résignés. La porte est désormais grande ouverte aux rebelles d'Alger, même si en Corse, un homme seul, Sébastien de Casalta, continue de brandir le flambeau de la légalité républicaine. Rendez-vous avec X. Dans son livre Secret d'État, Raymond Tourneau donne une relation précise de ce Conseil des ministres dramatique qui s'est tenu le dimanche soir 25 mai à l'hôtel Matignon. Je le cite. C'est le président du Conseil, Pierre Fimelin, qui parle. Regardons la vérité en face. La crise algérienne s'explique dans une large mesure par une émotion populaire, respectable dans la mesure où elle traduit la volonté de demeurer français. Mais en Corse, c'est d'autre chose qu'il s'agit. Là, aucune émotion populaire ne peut expliquer ou justifier des actes accomplis par une poignée de factieux. Il est clair qu'aujourd'hui, une menace est dirigée contre nos libertés publiques par un certain nombre de Français égarés s'insurgeant contre la loi. La mort dans l'âme, le chef du gouvernement ajoute, mieux vaut encore la sécession de la Corse que la mise en marche d'un mécanisme épouvantable. Le cœur serré, j'admettrai donc que le cas de l'île est particulier. Si nous intervenons en Corse par la force, Alger interviendra aussi et ce sera le drame. Je ne veux pas déclencher la guerre civile sous la forme la plus grave en donnant à une force armée l'ordre de tirer sur des soldats français. Au surplus, l'issue d'une lutte engagée dans de telles conditions serait des plus incertaines. Sur l'heure, M. Jules Mock, quant à lui, s'incline avec regret. 200 paras à Ajaccio et 60 à Bastia suffisent à instaurer en Corse un régime de rébellion sans l'excuse des souffrances et des angoisses des Algériens. Alger, on a pu admettre que l'armée agit de bonne foi, qu'elle s'est crue abandonnée, que les généraux ont fait la part du feu, mais la Corse. Revenant sur ces faits, Mock a écrit plus tard dans le journal Le Midi Libre, des ministres, et non des moindres, se sont opposés au départ de la petite flotte destinée à transporter assez de CRS à Bastia pour y rétablir la légalité. Décision néfaste prise contre mon gré le 25 mai à 19h et qui a sonné le glas du gouvernement légal. Après la renonciation du gouvernement de la République, il faut bien avouer que la belle résistance de M. de Casalta ne peut aller beaucoup plus loin. Il se rend ? Pas tout de suite. Il faut attendre le lundi et l'arrivée d'une nouvelle délégation d'Alger pour que le récalcitrant consente enfin à quitter les lieux. Et cette délégation, là, elle comprend surtout deux hommes dont vous avez certainement entendu parler. Léon Delbecq et le colonel Tomaso. Ah, nez de cuir. Exactement. On l'appelle ainsi parce que cet officier parachutiste très populaire dans l'armée a été gravement blessé au visage et qu'il porte à la place de son nez absent un masque de cuir. Ah, ce qui lui faisait un visage d'ailleurs assez effrayant. Oui, vous avez raison. Quant à Delbecq, c'est un gaulliste pur sucre. Et sans doute l'un des hommes qui a le plus fait pour le retour au pouvoir du général de Gaulle. C'est lui en particulier qui, à Alger, a manipulé Salan et lui a fait acclamer le nom de Gaulle du haut de son balcon au gouvernement général. Mais auparavant, il avait tiré des nombreuses ficelles du complot. Alors, pour que ces deux hommes soient envoyés en Corse, cela signifie qu'à Alger, on accordait beaucoup d'importance à la situation corse. Je vous l'ai dit, la Corse, c'était un symbole et c'était la dernière touche. D'accord. Alors, ce sont eux, Tomaso et Delbecq, qui sont chargés d'obtenir la reddition de Casalta. Oui. Et après des heures de palabres, l'irréductible maire adjoint consent à sortir de la mairie, drapé dans le drapeau tricolore et en chantant la Marseillaise. Une sortie, ma foi, qui ne manque pas de panache. J'ajoute que Casalta, après s'être caché deux jours, s'embarquera avec un pêcheur, rejoindra Nice où il sera fait officier de la Légion d'honneur à titre exceptionnel. Après la reddition donc, de Casalta, toute la Corse est donc au Madébarras. Oui, l'opération Corse est terminée et la fiction du soulèvement populaire est désormais la version officielle. Pourtant, ça ne tient pas debout. Vous avez raison, mais à Paris, personne ne le sait. Parce que les communications sont, en plus ont été coupées. Hein, c'est oui, et surtout dans les milieux politiques hostiles aux hommes d'Alger, on ne soupçonne pas qui sont les véritables instigateurs de l'affaire. Et vous, bien sûr, vous allez me le dire. Et évidemment, mais auparavant, voyons d'abord quelles sont les conséquences du soi-disant soulèvement de la Corse. Dès la nuit du 26 au 27 mai. Ça, c'est la nuit qui suit la reddition de Casalta. Oui. Dès cette nuit-là, donc, le général de Gaulle et Pierre Pflimlin se rencontrent secrètement dans le parc de Saint-Cloud. L'entrevue est rude. Rude, c'est-à-dire? De Gaulle affirme qu'il ne veut pas arriver au pouvoir dans les fourgons des généraux. Oui, il veut être investi par l'Assemblée. Oui, mais dans le même temps, il refuse de condamner la sécession corse. Et à ce propos, il a une phrase typiquement gaullienne, je la cite de mémoire. Je préfère rétablir l'ordre que de désavouer le désordre. Ah oui, ça c'est Gaullien, ça. Les réactions de Pflimlin. Bah, pardonnez-moi l'expression, mais il est coincé. Il n'est plus maître de la situation, et d'ailleurs, dès le lendemain, le général précipite les choses et annonce, alors que rien n'a encore été fait, qu'il a entamé de processus réguliers à l'établissement d'un gouvernement républicain. Oui, fameuse phrase. Donc il force la main du pouvoir. Bien sûr. La suite, vous la connaissez. 24 heures plus tard, Pflimlin démissionne, et le surlendemain, le président Coty envoie un message au Parlement lui demandant d'investir le général comme chef du gouvernement. Tout va donc très vite. Tout va très vite, à partir du moment où l'opération Corse a été lancée. J'ajoute, et c'est essentiel, que pendant ces quelques jours, la France vit sous la menace. Oui, la menace de l'arrivée des paras. Oui, la fameuse opération Résurrection qui prévoyait la prise du pouvoir par l'armée. Mais est-ce que là aussi, il s'agit d'une opération d'intoxication ou est-ce que réellement il était prévu que les paras débarquent en métropole? La menace était réelle et les plans étaient prêts, mais toute l'astuce consistait, comme on dit aujourd'hui, à maintenir la pression tout en retenant les éléments les plus durs, les plus extrémistes, qui voulaient, eux, vraiment instaurer un régime militaire à l'espagnole ou à la portugaise. Et c'était les gaullistes qui jouaient ce jeu dangereux? Bien sûr, et c'était d'autant plus machiavélique que s'ils arrivaient à leur fin, c'est-à-dire à faire triompher de Gaulle, le général apparaîtrait comme l'homme providentiel qui avait jugulé la menace extrémiste. Il gagnerait donc sur tous les tableaux. Alors la Corse, c'est aussi les gaullistes? Naturellement. Oui, mais qui en particulier? Ben, l'homme clé, c'est Focard. Ah, l'éminence grise du général. Oui, le fidèle, l'homme qui a été un des créateurs du RPF. Et qui plus tard sera aussi à l'origine de la création du SAC, sans avoir jamais cessé d'être l'homme des opérations secrètes. C'est exact. Mais est-ce qu'on ne lui a pas prêté plus qu'il n'a fait? Peut-être. Mais quand on est un homme de l'ombre, on doit avoir le dos large et accepter d'être soupçonné de tous les mauvais coups possibles. En tout cas, pour la Corse, il n'y a aucune ambiguïté possible. C'est Focard. Mais comment pouvez-vous en être aussi sûr? Parce que j'appartenais au service. Le SDEC. Les services, vous ai-je dit. Vous refusez toujours d'être plus précis. Oui. Mais quel rapport entre les services et Focard? Ne soyez quand même pas plus naïf que vous ne l'êtes. Focard, depuis la guerre, n'avait jamais cessé d'être étroitement en contact avec le SDEC, et surtout avec le service d'action du SDEC. Le fameux 11e choc. Là. Oui, ce bataillon qui va jouer un rôle si important dans l'affaire Corse. Mais précisez quand même, là, quelles étaient exactement ces relations que Focard entretenait avec le 11e choc? Cette unité était très spéciale, à beaucoup de points de vue. Expliquez alors. C'était le bras armé du SDEC. Les hommes du 11e choc avaient été recrutés dès la fin de la guerre, non seulement en raison de leurs compétences et de leur appartenance au service secret de la France libre, bien sûr, mais aussi parce qu'ils étaient farouchement anticommunistes. Et gaullistes, j'imagine. Bien entendu. En cas d'une prise de pouvoir par les communistes, ils auraient représenté le noyau dur de la résistance. Mais depuis le départ du général en 1946, il se tenait aussi prêt à tout faire pour favoriser son retour. Mmh. Pourtant, si mes souvenirs sont bons, c'est un socialiste qui a longtemps présidé aux destinées du steak, enfin, sous la 4e République. Oui, c'est juste, mais en 1958, c'était le général Grossin qui était le patron. Et lui n'était nullement socialiste. J'ajoute que le service action, le 11e choc, était en fait dirigé ou contrôlé officieusement par une sorte de conseil d'anciens parmi lesquels se trouvait Focard. Focard qu'on voyait très souvent à Sercotte, l'une des bases de l'unité. Mmh. Admettons, mais comment Focard est-il intervenu dans l'affaire Corse? Le 14 mai, Maillot, le cousin du général, crée un comité de salut public à Ajaccio. Focard y voit un formidable moyen d'agir. Il contacte le capitaine Mantelli du premier choc, qu'il connaît parfaitement bien et qui est tout disposé à obéir. Et l'affaire est mise en route, les paravents agir. Mmh. Mais cette mission, alors, qui vient d'Alger le jour du soulèvement? C'est du pipeau, un rideau de fumée. Enfin, c'est pour montrer que l'initiative vient d'Alger. Alors qu'en fait, tout a été combiné à Paris. Avec, bien sûr, la complicité des gaullistes d'Alger et l'accord du général Massu. Certainement le plus gaulliste des officiers supérieurs qui se trouvaient là-bas. Mmh. Alors reste la question essentielle, hein. Dans quelle mesure le général a-t-il été informé, le général de Gaulle, et a-t-il donné lui-même le feu vert? La question est en effet importante. Franchement, je n'ai aucune preuve. Mais je n'imagine pas un gaulliste aussi fidèle que Focard agir sans avoir obtenu le consentement du général. Donc pour vous, de Gaulle a dit oui? Je le crois. Et rappelez-vous qu'il y avait urgence. Il fallait prendre de court les officiers ultras. Et l'opération Résurrection? Oui. Les gaullistes s'étaient servis efficacement de la menace. Mais l'exécution de l'opération Résurrection aurait été une catastrophe. Oui, parce qu'elle aurait empêché ou retardé l'arrivée au pouvoir du général. Oui, j'ajoute autre chose. Malgré mes fonctions, je n'étais pas dans tous les secrets quand même. Vous le pensez bien. Mm-hmm. Mais moi, il y a toujours un détail qui m'a fasciné. C'est le 24 mai, c'est-à-dire le jour du pseudo-soulèvement de la Corse, que le général de Gaulle a téléphoné à Georges Pompidou afin de lui demander de constituer son cabinet de président du Conseil. Intéressante coïncidence, non? À moins que, comme moi, vous ne croyez pas aux coïncidences. Je dois à la vérité de dire que Focard a toujours nié avoir joué un rôle dans le soulèvement de la Corse. Il a déclaré dans un livre d'entretien, Focard parle, le 11e choc était mon unité de réserve, mais je ne suis intervenu en rien. Cette affaire a été réalisée complètement en dehors de nous et nous n'étions pas au courant des préparatifs. Un livre récent, Résurrection, de Christophe Nick, paru chez Fayard, apporte un éclairage très intéressant sur la préparation et le déroulement des événements de mai 58. Des événements que l'auteur assimile à un coup d'État démocratique. Le livre de Nick fourmille de révélations. À propos de la Corse, je révèle ces quelques lignes. Pour bon nombre d'historiens, s'il était avéré que la rue de Solferino, c'était le siège du mouvement gaulliste, a conçu l'opération ou l'a sollicité, alors la preuve formelle que le 13 mai est bien un coup d'État serait établie. Mais puisqu'on ne peut prouver la préméditation, la conception ou la sollicitation, alors le mouvement déclenché le 13 mai peut n'apparaître que comme une grande manifestation populaire ayant entraîné une réaction en chaîne dont la Corse ne serait qu'un détail. Je vous retrouve samedi prochain pour un nouveau rendez-vous avec Monsieur X. On retrouvera Patrick Pénaud samedi prochain, toujours à la même heure, entre 13h20 et 14h. Et puis demain dimanche, c'est Robert Arnault qui vous racontera l'histoire d'un messie africain, à savoir de Gaulle, dans le cadre de ses histoires possibles et impossibles.